according to the set time that Samuel had appointed. But Samuel came not to Gilgal, and the people were scattered from him. 1. Samuel 13, Vers 8. 1 Samuel 13, Vers 8, ja. Vers 8. Do you see something there? You can, you know, we don't walk by sight, we walk by faith. We walk by Christ. Walk by what he said. Schauen, sondern per Glauben. Wandeln nach dem, was er gesagt hat. Nous, on marche pas selon notre, nos sentiments et notre vue. On marche selon ce que lui nous dit. His word says, he himself is to make that sacrifice. Sein Wort selbst sagt, so the time should not even control it. Er selbst. He is the one to give you husband, wife, and not you people are choosing. The time should not be an issue. Die Zeit sollte kein Thema sein. Oder das, was Leute sagen, sollte kein Thema sein. Er gibt diese Zeit an. C'est lui qui doit décider, l'Éternel, c'est lui qui décide, qui te donne le temps, c'est lui qui fait ce sacrifice. C'est pas toi à lui aider. And Samuel said, bring Kita. A burnt, and Saul said, bring hither a burnt offering to me, a peace offering, and he offered the burnt offering. Amen. Amen. He disobeyed God. Er hat Gott missachtet. You know, people will not even blame him. But yeah, he said 7 days. 7 days was over. Then what do you expect from him? You know what? Man can accept your excuse. Ja, Mensch. But will the Lord accept that? Kann deine Ausrede akzeptieren? Oder wird der Herr das akzeptieren? On voit aujourd'hui que Samuel était impatient. Après le 7 jours, il a décidé de faire des sacrifices pour l'Éternel. Mais, mais il a désobéi l'Éternel. Il n'a pas attendu à l'heure de l'Éternel. Et l'être humain va dire que oui, mais il a attendu. Il va accepter la décision de l'excuse de Saül. Mais est-ce que Dieu va aussi accepter cette décision? You know, King Saul here can claim that the Holy Spirit said he should do it by himself. King Saul könnte hier bezeugen und behaupten, dass der Heilige Geist ihm gesagt hat, dass er es selber tun soll. Le roi Saül pouvait dire aussi que oui, le Saint-Esprit, son Saint-Esprit lui a dit de faire ça, de prendre cette décision. So many always claim. Wie so viele Leute immer behaupten, dass der Heilige Geist ihnen gesagt hat, dass sie Gott missachten sollen. Aber wer ist der Heilige Geist? Wer ist Christus? Et il y a beaucoup de gens qui vont dire que oui, l'Éternel, le Saint-Esprit m'a donné le feu vert pour et m'a accordé de désobéir à la parole de Jésus-Christ. Comme ici, le Saint-Esprit de Saül, il a accordé à Saül de désobéir à l'ordre de Dieu. Amen. Mais qui est le Saint-Esprit qui est Dieu? Verset 10. And it came to pass that as soon as he had made an end of offering, a burnt offering, behold, Samuel came. Oh. And Saul went out to meet him, that he might salute him. And Samuel said, what hast thou done? And Saul said, because I saw that the people were scattered. You saw what? Was hast du gesehen? Er hat nicht Christus gesehen. Not see the only true. Er hat nicht den einzigen wahrhaften Gott gesehen. See his word. You see the truth and not any other thing. Sein Wort. Sein Wort, seine Wahrheit und nichts anderes. Ici, on voit que Saül disait que oui, parce que j'ai vu que les soldats se dispersaient, c'est pour cela que j'ai pris cette décision. Et toi, qu'est-ce que tu vois? Donc, tu ne dois pas voir gauche à droite les soldats ou tes résultats et je ne sais pas quoi, mais tu dois voir que Jésus-Christ, que Dieu lui-même. Today we see the finished work of Christ. Heute sehen wir das fertige Werk von Christus und nicht, was Leute uns antun. Nous aujourd'hui, on voit l'œuvre accomplie de Dieu et pas ce que l'être humain nous a fait. You know, we see the finished work of Christ and not people are not understanding me. Wir sehen das fertige Werk von Christus Jesus und nicht, dass Leute uns nicht verstehen. On voit l'œuvre accomplie de Dieu et pas ce que les gens veulent pas, ne comprennent pas. Are you getting it? We see the finished work of Christ. Wir sehen das fertige Werk von Christus. On voit l'œuvre accomplie de Christ. And now not they did not understand me. Oder nicht, dass sie mich they don't nicht want to understand haben. Me. They don't even listen to missverstanden me. Fühlen oder ungehört fühlen. Wir sehen nicht auf diese Dinge. Wir sehen auf Christus. Amen. On ne voit pas, on considère pas ce que les gens voient ou bien ici me comprennent, ils me comprennent pas. Tu vois toujours l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. No one died for you here. Niemand Christus ist gestorben für Christus Jesus. Amen, amen. Il y a personne qui est mort pour toi ici, c'est Jésus-Christ qui est mort pour toi et c'est pour cela que tu considères que l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. If I see man, I will not be here today. Wenn ich auf Menschen schauen würde, wäre ich heute nicht hier. Si moi je considérais cet l'être humain, je serais pas ici aujourd'hui. Praise the Lord. Amen. Verse 11. And Samuel said, "What hast thou done?" And Saul said, "Because I saw the people were scattered from me, and that thou comest not within the days appointed." It's not blaming. Can you see the finger? The finger pointing, the people then and you, and that the Philistines gathered themselves together in Michmash. Therefore said I, the Philistines will come down now upon me to Gilgal, and I have not made supplication unto the Lord. I forced myself to disobey God, and offer a burnt offering. And Samuel said to Saul, "Thou hast done foolishly. Thou hast not kept the commandment of the Lord, your God, which he commanded thee. For now would the Lord have established your kingdom upon Israel forever." You know, that very thing might be little before man. And people might not even blame it. But it's not God. Und Menschen würden vielleicht auch für eine Schuldig sprechen, aber nicht Gott. Tu peux voir que Saül ici est en train de se justifier, il a expliqué et ça semble pour l'être humain une petite chose, mais pas devant Dieu. He took the kingdom from him. Er hat ihm das ganze Königreich weggenommen. L'Éternel était si furieux par cette petite chose que les gens vont dire que c'est une petite chose, il lui a arraché son royaume. I look at à cause de ça. He took the kingdom that today is with this salvation. Die Errettung, die dann verschwindet. Et ici, ça pourra être même ton salut. Il va même t'arracher ton salut. Verse 47. But now, my kingdom Verset 14. Shall not continue. Your kingdom shall not continue. The Lord has sought him a man after his own heart, and the Lord has commanded him to be captain over his people. Because thou hast kept not that which the Lord commanded thee. Praise the Lord. Hallelujah. You know, King Saul disobeyed God's truth. King Saul hat die Wahrheit Gottes missachtet. Le roi Saül, il a désobéi à la vérité de Just Dieu. Just like some of us keep on disobeying. Genauso wie einige von uns ihn immer wieder missachten, seine Botschaft, seine Stimme. Tout comme quelques d'entre nous sont en train de désobéir à ce que l'Éternel nous dit. If you read it from 18 to 23, amen. 1 Samuel 15. He did not say kill all of them, but he took some. You see another disobedient there. From one to another. Von Ungehorsam zu Ungehorsam. Hier sagt der Herr zu Saul ganz klar, dass er alle Tiere töten soll. Aber er tut es wieder nicht. Er gehorcht wieder nur halbherzig. 1 Samuel 15, 18, l'Éternel a dit ici à Samuel de tuer tous les animaux. Mais lui, il n'a pas obéi, il a encore désobéi. You know? Some they are not different from this man. Ich habe einige gesehen, die nicht anders sind als Saul. Et moi j'ai vu quelques entre nous ici qui sont pas différents du roi Saül. King Saul was never serious with the word of God. King Saul hat das Wort von Christus, das Wort von Gott nie ernst genommen. Le roi Saül il n'a jamais considéré ou bien pris au sérieux la parole de l'Éternel. God will speak, and you know King Saul will say, "Don't, it doesn't mean this that way." Und Saul sagt, aber he made light, he made fun of God's word. You see it. Damit Gottes Wort ins Lächerliche. Er hat seine eigene Interpretation oder verwässert es. Donc l'Éternel va parler et le roi Saül dit que oui, il a dit ça, mais il a dit que oui, je peux faire un peu quelque chose autre. Il n'est pas si sérieux, donc il est toujours en train de diluer la parole de l'Éternel. You know, if you read here, because of time, we will not go through all. Then Samuel did not see it as a joke. He did not see it as something small. Do you see it? If you read it, Then, verse 24, because of time. And Saul said unto Samuel, I have sinned, for I have transgressed the commandment of the Lord. Is this coming from your heart or from your mouth? Look at it. And thy word and your word, because I fear the people and obeyed their voice. Verse 25. Now therefore I pray thee, pardon my sin, and turn again with me, that I may worship the Lord. And Samuel said unto Saul, I will not return with thee, for thou hast rejected the word of the Lord, and the Lord hath rejected thee from being king over Israel. Verse 27. Praise the Lord. Hallelujah. And as Samuel turned about to go away, he laid hold upon the shirt of his mantle, and it rent. And Samuel said unto him, the Lord hath rent the kingdom of Israel from thee this day, and hath given it to the neighbor of thine that is better than thou. And also the strength of Israel will not lie nor repent, for he is not a man that he should repent. Verse 30. Then he said, 30. I have sinned yet, honor me. Do you see there? Mm-hmm. Verse 30. He said, I have sinned, but honor me. Now I pray thee before the elders. I don't know if you are getting something here. It was about him. Es ging immer nur um ihn, um sein Gesicht, dass er sein Gesicht nicht verliert. Are you getting Donc it? Je vois ici que Saül a dit que j'ai péché toutefois en ce moment, je t'en prie, continue à m'honorer. Donc il s'agit toujours de lui, même s'il est en train de se repentir, mais dans sa repentance, il s'agit toujours de lui. I know I have sinned, but honor me first. Before these people, don't just disgrace me like that. Aber ehre mich. At least I'm still the king. he was never serious of whatever disobedience he was act. You know what? How he was disobeying God. He was never. That time are still like that today. Mm-hmm. They will be disobeying God and never see anything wrong with it. Mm-hmm. Saul never see anything wrong with what he was doing. If not, he will not say honor me before man. Mm-hmm. He was after himself. And never after Christ. Es ging we should learn to allow it, please. Oh. Saul ging es immer nur um sein eigenes Gesicht, damit er sein Gesicht nicht verliert, damit er seine Ehre, seinen Stolz nicht verliert. Es ging ihm nie um Christus, um Gott, ne, um diese Sünde. Er hat nie wirklich ein bußfertiges Herz gehabt, was wirklich mit Reue erkannt hat, dass er gegen den wahrhaftigen Gott gesündigt hat. Es ging einfach nur darum, dass er vor dem Volk gut aussieht als König und sich wieder behauptet. Und auch heute sind noch viele Leute so. Praise the Lord. En fait, Saül, par exemple, lui, il a toujours désobéi l'Éternel. Et malgré il a désobéi à l'Éternel, il n'a pas été capable à... Il voulait, donc, il s'agissait toujours de lui. Au lieu qu'il puisse faire se repentir avec tout son cœur, mais il est en train de se repentir, mais il dit, mais je suis encore le roi, c'est pour cela, il ne faut pas me humilier devant tous ces gens. Donc, il s'agissait toujours de lui. Amen. Et il y a beaucoup de gens qui sont comme ça aujourd'hui. Praise the Lord. Amen. He was always making light of, you know, of the word of God. He never take God's word seriously. He never see it. Donc il a jamais pris la parole de l'Éternel au sérieux. Amen. It was like a child play for him, just a little thing. Donc il a jamais pris au sérieux ce que l'Éternel lui dit. Just this little thing is not so big. A little thing. Diese kleine Sache ist auf einmal so groß, das hat er so einfach nicht gesehen. Okay. Hat das einfach nicht so eingesehen. Für ihn war es einfach eine kleine Sache. Donc pour lui, ce qu'il a fait, c'était pas vraiment si grave. L'Éternel est en train de l'exagérer et lui punit comme ça. C'est quoi ça en fait? I know what they'll be talking about this ministry. They say every little thing they take it serious. Ich weiß, was just little thing that is just nothing. Dass jegliche kleine Sache, out of Mucke. Jegliche kleine Sache plustern sie auf. Über jede Sache muss eine Bible study ein Thema gemacht werden. Donc, je sais aussi, beaucoup de gens vont dire de cette église, de dire aussi que, oui, juste une petite chose, déjà, ils font une réunion, et, ou bien, ils font des grandes choses d'une petite chose. Donc, ils sont toujours trop sérieux, toujours en train d'exagérer. Donc, c'est comme ça que les gens aussi parlent de cette église. Praise the Lord. Amen. Amen. How many examples can we give? Wie viele Beispiele können wir geben? Combien des exemples on peut donner? Are you different from Balaam and Balak? Sind wir anders als Biliam und Balak? Est-ce que nous sommes différents de Biliam et de Balak? In 2 Peter 2, 14 to 16. In 2. Petrus. The Lord will speak. You will keep on going to him. Have you changed your mind? Have you changed your mind? Have you changed your mind? Until your flesh speaks to you. Then you pick it. Der Herr spricht zu dir und du gehst immer wieder zurück zum Herrn und fragst ihn, meinst du es wirklich so? Meinst du es wirklich so? Bis dann dein Fleisch dir die Antwort gibt, die du dann wirklich hören willst. Mm. Donc, beaucoup de, on va le lire aussi à 2 Pierre 2, 16. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de partir à l'éternel et disent que est-ce que à demander la même chose, même question à répéter à l'éternel jusqu'à ce que ta propre chair va te répondre, te dire ce que toi tu veux écouter et ce que ta chair te dit, c'est ce que tu vas faire. He's supposed to be a prophet. Amen. He's there. Look already. Amen. Him to believe. You know, you are more than a prophet today. If you come to Christ and you are not Christ. Better for all, you cannot believe Christ. Amen. Until your flesh, you know, direct you. Toi, tu es plus grand qu'un prophète aujourd'hui, mais tu es toujours en train de... Tu n'es pas capable à croire ce que l'Éternel te dit, malgré il te parle. Plus qu'un prophète, tu es son fils. Jusqu'à ce que c'est ta chair va commencer à te diriger. Amen. Praise the Lord. The Lord sent me to you. Der Herr hat mich zu dir geschickt, direkt geschickt. Indirect to dir geschickt. L'Éternel m'a envoyé vers toi direct et indirectement. Nous glaubons ce n'est. Et toi, tu ne crois jamais. Tu claims Abraham as your example. Und du behauptest, dass Aaron dein Vorbild ist. Et tu continues à dire que Abraham est ton exemple aujourd'hui. Amen. C'est vraiment pitoyable. Why don't you do the deed of Abraham? He did not leave the spirit to join the flesh. Wieso tust du nicht die Werke Abrahams? Er hat das Fleisch nicht verlassen, um eins zu. Er hat den Geist nicht verlassen, um eins zu sein mit dem Fleisch. Pourquoi tu ne fais pas l'œuvre de Abraham? Parce que Abraham n'a pas laissé la. Il n'a pas. Abraham n'a pas obéi à la chair. Amen. In Genesis 12. In 1. Moses. You go there. The Lord says, leave them, because they were fallen. They were pagan. They were pagan worshippers. Amen. They were not Christ. If they were Christ, the Lord will not even tell them. You know, if the Lord tell you to leave a living church, I just pray it's not the Lord that even told you to leave here. If it is the Lord that told you, then it's destruction for you. We will continue. We'll go there. Amen. Wenn der Herr dir sagt, dass du eine lebendige Gemeinde verlassen sollst, ist das, was er da sagt, bedeutet es Zerstörung für dich. Deswegen hoffe ich nicht, dass der Heilige Geist dir gesagt hat, dass du die Gemeinde verlassen hast, weil das dein Untergang ist. Moi, j'espère que l'Éternel ne t'a pas dit, par exemple, ne te dit pas de quitter cette église, parce que si c'est l'Éternel qui te dit de quitter cette église, ça signifie que c'est une destruction pour toi. Donc, ça signifie qu'il y a quelque chose d'horrible qui va t'arriver. Praise the Lord. The Lord told you to stay with the Spirit. You left the spirit and you are now with the flesh. Amen. Der Herr sagt, bleib beim Geist, also du hast den Geist verlassen und bist jetzt eins mit dem Fleisch. L'Éternel te dit dans sa parole clairement, reste dans l'esprit, mais toi, tu laisses l'esprit et tu pars dans ta chair. This is, you know, I just, you know, it's so sad that the Lord is teaching us this way. Es ist so traurig, dass der Herr uns das so beibringt. C'est vraiment triste que l'Éternel doit nous apprendre une histoire comme ça. That you now be like Pharaoh, that the Lord used to teach people the whole world his strength. So, are you getting it? Dass du dann wieder Pharao bist, den der Herr nutzt, um sich mächtig zu erweisen. C'est vraiment pitoyable que tu laisses, tu permets que oui, au diable de te contrôler que jusqu'à ce que l'Éternel va t'utiliser comme il a utilisé le Pharaon pour apprendre aux païens ou même aux enfants de Dieu sa grandeur. Why don't you be like Joseph? Pourquoi tu ne préfères pas être comme Joseph? Or even Abraham. Ou bien même Abraham. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. You cannot see that you always oppose Christ. Dass du gegen, dass du immer gegensätzlich von Christus wirkst oder handelst. You know your decision. Wie blind bist du in all deinen Entscheidungen? Avec toutes tes décisions, tu n'es même pas capable à voir comment tu es différent de Dieu. Comment tu es, comment on peut être aveuglé à ce point? Amen. Amen. Amen. Are you different from the Pharisees? Wie anders als die Pharisäer? Est-ce que toi tu es différent des Pharisiens? Who never did the deed of Abraham. Niemals die Werke von Abraham getan haben. Him as their father. Aber ihn als ihren Vater bezeichnet. Qui n'ont jamais fait la volonté de Dieu et dire que que Abraham est leur père. Are you so blind? Est-ce que vous nous sommes si aveuglés? To see that you have been opposite Christ. Dass du gegensätzlich von Christus gehandelt hast. Pour être capable à est-ce que nous sommes si aveuglés à voir que nous sommes en train de réagir au contraire de du Christ? All the decisions you have been taking from one to another. Von einem how they are, they have been opposite Christ. Wie sie gegensätzlich von Christus waren. Est-ce que tu n'es pas with them? Und du bist wie geht es gut damit? Est-ce que tu es si aveugle à voir que toutes tes décisions sont au contraire de la parole de l'Éternel et tu es si confortable avec ces décisions? How blind can you be? Wie blind kannst du sein? Comment on peut être aveuglé à ce point? That you cannot see. You are against Christ. Dass du nicht sehen kannst, dass du gegen Christus bist. Que tu n'es même pas capable à voir que tu es contre le Christ. Praise the Lord. Alléluia. Really need deliverance. Tu brauchst wirklich Errettung. Tu as vraiment besoin de la délivrance. Amen. Mm-hmm. Let's go to Luke 12. Lucas 12. On va lire Luc 12. Praise the Lord. Alléluia. Amen. We are not against you, we are for you. Wir sind nicht gegen dich, sondern für dich. Nous sommes pas contre toi, nous sommes pour toi. Amen. And the Lord either is not even or is not against you. If the Lord is not against you, we are not against you. Ja, und der Herr ist nicht gegen dich, wir sind auch nicht gegen dich. L'Éternel n'est pas contre toi et nous aussi nous sommes pas contre toi. He still wants you to repent. Er will dennoch, dass du Buße tust. Il veut que tu puisses te repentir. If you are still here on earth, he needs your repentance. Wenn du noch hier auf Erden bist, dann braucht er deine Buße, deine Umkehr. Si tu es toujours ici dans ce monde, il a besoin de ta repentance. Repent before it is too late. Tut Buße, bevor es zu spät ist. Donc repens-toi avant que ça puisse être trop tard. You are so blind that you cannot see. Du bist so blind, dass du nicht sehen kannst. Tu es si aveugle que tu n'es même pas capable à voir. 54. 54. Verset 56. 56. Donc, à 56. Schaut euch an, was der Herr hier sagt. Donc, Luc 12, 54. Amen. And he said also for the people, when you see a cloud rise out of the west, straight away you see there cometh a shower, and it is. And so it is. And when you see the south wind blow, you say there will be heat, and it cometh to pass. You hypocrites, amen. You can't discern the face of the sky, of the air. But how is it that you do not discern this time? You know, you claim to know things. Ihr behauptet Dinge zu wissen. Don't be clever. Schlau zu sein. Donc vous êtes en train de faire genre que vous êtes intelligent, vous êtes en train de oui. You claim to know. You say you know how the Holy Spirit speaks. Ihr sagt, ihr wisst, wie der Heilige Geist spricht und dass er zu euch spricht. Vous disiez que vous savez comment le Saint-Esprit parle et qu'il est en train de s'adresser à vous, qu'il vous parle. And see, you cannot see that. The decision you have been taking, they are so evil. Dennoch erkennt ihr nicht, dass die Entscheidung, die ihr trifft, so bösartig sind. Tu dis d'un côté tu dis que l'Éternel, le Saint-Esprit te parle chaque fois, mais de l'autre côté tu n'es pas capable à reconnaître que ta décision elle est mauvaise. Amen. Amen. From verse 57. And he said, why don't you repent? Jusqu'à la give fin. Up. Wieso tout ihr nicht Buße? Wieso gibt ihr nicht give up. Up. 57 jusqu'à la fin, il dit, pourquoi tu te repens pas? surrender and say, yes, I have been working. I have been doing things on my own. But now, I want it to be Christ. Und sagt, ja, ich ergebe mich. Ich habe Dinge selbst aus eigener Hand gemacht, aus eigener Macht gemacht, aber jetzt will ich Christus alles übergeben. Pourquoi vous ne disiez pas, oui, c'est vrai, j'ai fait beaucoup de choses de ma propre manière, mais maintenant je suis capable, je suis prête à donner tout à l'Éternel. Pourquoi vous ne le dites pas? Amen. It is a pity that you are now so blind that you cannot see the writing on the wall, that this is Satan walking in you and through you. Es ist jetzt eine Schande, dass du so blind bist, dass du nicht erkennen kannst, was an der Wand steht, dass es der Satan ist, der durch dich arbeitet und nicht Christus Jesus. C'est vraiment pitoyable que tu n'es pas capable à comprendre et à voir que c'est le diable qui travaille à travers toi. You started with Christ. Du hast angefangen mit Christus. Tu as bien commencé avec Christ. You are completely flesh. Und jetzt hast du vollkommen Fleisch. Et maintenant tu es tout totalement dans la chair. Look at what Paul said about you. Geht euch an, was Paulus über euch sagt. Regarde ce que Paul dit. Galates 3. Praise the Lord. Hallelujah. Galates 3. Amen. From verse 1. Eins. He said, "Oh, foolish Galatians! You know, I can even write your name there. Ich könnte sogar euren Namen schreiben. Amen. Oh, foolish Galatians, who have bewitched you, that you should not obey the truth, before whom eyes Jesus Christ have been evidently set forth, crucified among you." Why is it not about Christ alone in your life? Wieso geht es dir nicht mehr Christus allein in deinem Leben? Das Leben, was er dir gegeben hat. Il dit, vous êtes vraiment des aux Galates insensés qui vous a envoûté ainsi, pourtant que la mort de Jésus-Christ sur la croix a été clairement dépeinte à vos yeux. Dépeinte à vos yeux. C'est un foolish Galatian. No, people say, they almost swallow the air everywhere. The pastor is cursing. Amen. You know, religion. Praise the Lord. Amen. You can see, pastor is cursing. Oh, foolish Galatians. That's what Paul said. Amen. Who have bewitched you that you should not obey the truth? Who bewitched you? Who changed you? Wer hat dich verändert? What are you possessed with? Wovon bist du besessen? Aujourd'hui, les gens vont dire que, comment un pasteur peut dire des histoires comme ça? Mais ici, c'est Paul qui dit ça, qui dit aujourd'hui que, qui vous a insensé, qui a dit insensé, qui vous a envoûté. Are you getting it? Verse 2. This only will I learn of you. Receive you the Spirit by the works of the law, or by the hearing of faith. Are you so foolish? It's repeating it because so that you will know you did not make mistake to say foolish. Damit niemand denkt, dass er sich verschluckt hätte oder versprochen hätte. Are you getting it? Are you so foolish? Having begun in the spirit, are you now made perfect in the flesh? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. You are. You were once in the spirit. Mm. Amen. Eins zum Geist. And now you are so perfect in the flesh. Vous étiez vollkommen frei. Donc vous étiez avant vous étiez dans l'esprit et maintenant vous êtes parfaite dans la chair. C'est vraiment pitoyable. Verse 4. Verset 4. Have you suffered so many things in vain? If it be yet in vain. Verse 5. Verse 5. He therefore that ministered to you the Spirit and worked miracles among you, doeth he it by the work of the law or by the hearing of faith? Praise the Lord. Hallelujah. You know, in verse 5, you know, since, let me just explain verse 5, the meaning. You know, since you came to this ministry, je veux vous expliquer à verset 5, depuis que vous êtes ici dans cette église. You could see it, you know, you yourself can see the change in your life. Könnt ihr die Veränderung in eurem Leben sehen? Vous-même, vous êtes capable à voir le changement dans votre vie. The wife was mentioning that there's a change in the husband's life. Mm. Und auch auf die Ehefrau dieses Mannes hat auch bezeugt, dass eine Veränderung in seinem Leben stattgefunden hat. Même la femme de ce frère qui a laissé l'église est en train de témoigner qu'il y a eu un changement dans la vie de ce frère. And that change did not come through the it did not come because of the flesh, but because you choose the spirit. Diese Veränderung kam nicht wegen somebody better it. Dem Fleisch, sondern man sich für den Geist entschieden hat. Ce changement n'est pas venu à cause de la chair, mais il était venu parce que la personne a choisi l'esprit. Amen. That change was not about the flesh. It did not come because of the flesh. It came as a result of the spirit that you choose Christ. Es war ein Resultat vom Geist. And your eyes were open to Christ. Amen. Und deine Augen wurden geöffnet zu Christus. And there was a change. Und es gab eine Veränderung. Donc ce changement là, c'était un résultat de l'esprit parce que toi tu as choisi l'esprit et c'est pour cela que tu avais un résultat pareil et maintenant tu choisis la chair. Amen. Amen. And now you are on your way back to your vomit. Jetzt bist du zurück auf dem Weg zu deinem Erbrochenen. Et maintenant tu es en train de retourner dans ta vomi. Everything Jesus did is as if he did it in vain. Alles, was Jesus getan hat für dich, wirkt so, als ob es für umsonst war für dich. Donc tout ce que Jésus-Christ a fait pour toi, ça te semble en vain. Don't say we did not warn you. Lass nicht, du kannst nicht sagen, was wir dich nicht gewarnt hätten. Et tu peux pas dire qu'on t'a pas averti. Amen. Like Samuel warned the children of Israel. Wie Samuel die Kinder Israels gewarnt hat gegen König Saul. Tout comme wegen ihren Wünschen. Tout comme Samuel a averti le roi Saül à cause de son désir. Amen. Amen. I don't know if you are still here, or you might not even be here. Let me remind you of Matthew 12 again. Let's go to Matthew 12. Und ich weiß, ob du immer noch hier bist. Und wenn du hier bist, dann werde ich dich nochmal an Matthäus 12 erinnern. Let me remind you je ne sais pas si 12 tu es encore ici, mais je veux vous rappeler de Matthieu 12. On va y aller. Matthäus 12, Vers 43. Matthieu 12, verset 43. C'est when the unclean spirit is gone out of a man, he walketh through the dry places, seeking rest and findeth not. Then he said, I will return into my house from whence I came out. And when he is come, he findeth it empty. Empty means you are no longer under the branch is out of the vine. Amen. Leer bedeutet, dass du leer bist von ihm und dass der Ast nicht mehr am Stamm ist. Donc lorsque un esprit mauvais est sorti de quelqu'un, il erre ça et là dans le lieu désert à la recherche d'un lieu de repos et il s'en trouve pas. Donc il est en train de dire que quand c'est vide, donc là, ça signifie qu'il y a vraiment rien. We need the truth to be fed with. Wir brauchen die Wahrheit, um damit gefüttert zu werden. On a besoin de la vérité pour être nourri. Amen. And without it, you are empty. That very place is empty. Ohne diese Wahrheit bist du leer. Et sans cette vérité, toi, tu es vraiment, tu es vide. The past truth cannot save you. Die vergangene Wahrheit kann dich nicht mehr retten. Et la vérité que tu avais avant. That's why salvation is every day. Deswegen sauver. Deswegen ist der Rettung jeden Tag. Et c'est pour cela le salut est chaque somebody jour. Somebody get in it. In verse 45, he said, then goeth he, and taketh with himself several other spirits, more wicked than himself. And they enter in and dwell there. And the last state of that man is worse than the first. Even so shall it be also unto this wicked generation. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. I thank the Lord we never depend on man. Ich danke dem Herrn, dass wir uns niemals auf Menschen verlassen. Je remercie l'Éternel vraiment parce que nous on dépend jamais de l'être humain. And I pity churches that depend on man. Und ich mitleid Gemeinden, die sich auf Menschen verlassen. Et ça me fait triste de savoir qu'il y a des églises qui fait confiance à l'être humain. You can see why. Qui dépend de l'être humain, pardon. You can see why one can hardly find a living church. Je ne sais pas, weshalb man kaum eine lebendige Gemeinde sehen kann. Mais est-ce que vous êtes maintenant capable de voir pourquoi c'est vraiment difficile de voir une église vivante. You know, our churches are full of compromise. Gemeinden sind voll von Kompromissen. In the flesh, you know that go. If you don't obey what, if you don't obey me, it's then we not say don't, we don't obey the Holy Spirit that speak through me, I will go. Sie bedrohen Pastoren und sagen, wenn du nicht auf das hörst, was ich dir sage, dann werde ich die Gemeinde verlassen. Wenn du nicht auf das hörst, was der Heilige Geist durch mich sagt, dann werde ich die Gemeinde verlassen. Sie bedrohen den Pastor und der Pastor knickt natürlich ein. Et tu vas voir qu'il y a des compromis partout, que tous les gens disent oui, le Saint-Esprit m'a dit ceci, m'a dit cela, et tu dois te soumettre à ça, sinon je veux laisser l'église, je veux partir de l'église. Et c'est pour cela que les pasteurs se sentent vraiment menacés, et c'est pour cela qu'ils sont en train de tout tolérer. C'est le mal qui contrôle them. C'est le mensch, qui les contrôle. Et non Christ. Christos. C'est l'être humain qui contrôle les pasteurs, c'est pas le Christ. Mais dans une église vivante, n'est jamais contrôlée par l'être humain. But by Christ alone. Amen. Alors, Christos alone. Mais seulement de Jésus-Christ lui-même. Amen. Jesus said, if you are not for me, you are against me. Il sagt, wenn ihr nicht für mich seid, seid ihr gegen mich. Jésus-Christ a dit que si vous êtes pas pour moi, vous êtes contre moi. Amen. Amen. Amen. If you are, you see that you are for this church or you are against it. Entweder bist du für diese Gemeinde, gegen diese Gemeinde. Ou tu es pour cette église ou tu es contre cette église. That's Luke. That's Matthew 12, verse 30. Matthew 12, verse 30. If you are Matthew not 12, for me, 13. You are against me. It's either you are for here or you are against here. You cannot be here and there. Du kannst nicht hier und dort sein. Tu ne peux pas être ici et là-bas. Donc c'est où tu es pour le Christ ou tu es contre le Christ. Amen. Christ is the head of this ministry. Christ ist der Kopf dieser Gemeinde. Le Christ est la tête de cette église. You cannot separate here from Christ. Du kannst diesen Ort nicht von Christus trennen. Tu ne peux pas séparer cette place du Christ. Without the head, there is without head, there's nobody. Ohne Kopf gibt es keinen Körper. Sans la tête, il n'y a pas le corps. The Bible says Christ is the head of the church. Christus, Christus der Kopf der Gemeinde. La Bible nous dit que le Christ est, est la tête de l'Église. Amen. Praise the Lord. Alleluia. I thank Jesus will never depend on man. No wonder Jesus, the Bible says, woe unto man that depend on man. Ich danke Jesus, weil das Bibel sagt, dass wir uns nicht auf Menschen verlassen sollen. Weil sie sagt ja auch, wehe denen, die sich auf Menschen verlassen. Je remercie l'Éternel parce qu'il nous a dit de ne pas dépendre de l'être humain. Et c'est pour cela qu'il nous dit aussi qu'il nous avertit de ne pas dépendre aux êtres humains. Amen. Amen. Praise the Lord. There's a place I still want us to go, then we close. Amen. Amen. I will postpone here. Let me see. Amen. But we continue from. Let me. There's a place I will. We come to quickly go through here, then we close. Amen. Amen. You cannot be against a living church, against Christ's message, the message that you said you believe, but you never obey it. The Holy Spirit will tell you, and the Holy Spirit will tell you, go away. I hope you understand. No. You cannot be against a living church. Du kannst nicht gegen eine lebendige Gemeinde sein. Tu peux pas être contre une église vivante. Against Christ's message. Gegen die Botschaft von Christus, die an dich geht. Contre le message du Christ pour toi. The message that you say you believe. Gegen die Botschaft, die du ja behauptest zu glauben. Le soi-disant message que toi tu dis que tu es en train de croire. But you never obey. Aber du befolgst diese Botschaft nicht. Mais tu n'obéis jamais ce message. Amen. Then the Holy Spirit will tell you, I want you. I want you. I want to use you for in another place for myself. Und daraufhin sagt der Heilige Geist dir, dass er dich irgendwo anders nutzen will. You cannot be disobeying here. You are not obeying the word of Christ here. The Holy Spirit will not say, I want to use you somewhere else. To promote you. Promote you. I want to promote you. The little that you have here, you cannot even obey it. You cannot believe it. Then you are believing that the Holy Spirit will take you to somewhere else. Where you, you know, to promote you. Und das Kleine, was du hier gehört hast, ne, was, man, was der Herr dir hier befiehlt, kannst du nicht befolgen. Aber du glaubst, dass der Herr dich auf eine andere Reise schickt, wo du dann wem befolgst? Dich selbst? Weil du befolgst ihn ja von vornherein nicht. Was willst du denn da hinten machen? Donc tu peux pas dire que tu écoutes, tu ne peux pas désobéir le message ici et penser que l'Éternel et dire que l'Éternel, malgré ta désobéissance, veut te donner une promotion quelque part autre, veut que tu peux t'utiliser une autre place. Ça n'a pas de sens parce que si tu n'es même pas capable à obéir le petit, ta petite chose qu'il te dit ici, comment il va t'envoyer à faire quelque chose d'autre? Amen. Amen. Is it that you are for Christ or you are against Christ? Entweder bist du für Christus oder gegen Christus. Ou tu es pour le Christ ou tu es contre le Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. It is true that the Holy Spirit will not tell anyone to live here. No, if that person is truly of Christ. Es stimmt, der Heilige Geist würde dir niemals sagen, irgendwo anders hinzugehen, wenn du wirklich hier zu Christus auch gehörst. Er würde dir nicht sagen, eine lebendige Gemeinde zu verlassen, wenn du wirklich zu Christus Jesus gehörst. Si tu appartiens vraiment au Christ, le Saint-Esprit va jamais te dire de d'ordonner de sortir de cette d'une église vivante d'ici. You know, the Holy Spirit once said, "Separate me, Paul and Barnabas," because Paul and Barnabas, you know, it's like two groups. The church, the Lord will say, "Separate me, two people. I want to go and use them in noise." It's not because those two people were against here. I don't know if you are getting it. Und stimmt auch das. No, they were all for Christ. And the Lord said, I want, there's a job there that I want to be done. Mm-hmm. Oh, two people are there. It's only two I need to go there, to go and do the job. It's not, you are not believing anything yet. You are disobeying and fight. You started in the spirit, but now you are completely flesh and the Holy Spirit want to go and use you somewhere else. He never do anything like that. Und stimmt, in der Bibel hat auch der Herr Paulus und Barnabas ausgesondert aus der Gruppe und ihnen gesagt, dass er für die beiden eine andere Mission hat, woanders. Aber er hat sie nicht ausgesondert, nachdem Paulus und Barnabas der Wahrheit nicht gehorcht haben, Unruhe gestiftet haben in der lebendigen Gemeinde, gegen die Gemeinde sind, gegen die Botschaft, gegen die Kinder Gottes. Und dann sagt er, die beiden sollen dann für mich woanders auch dann gegen lebendige Kinder Gottes sein oder was? Nein, sondern er hat sie ausgesondert, weil sie halt zu ihm gehören, ne? Weil sie halt lebendig sind, weil sie ihm gehorchen. Deswegen hat er sie ausgesondert. Er hätte sie nicht aussondern können, wenn sie nicht von ihm sind. Donc oui, c'est vrai. Paul et Barnabas, par exemple, l'Éternel les a envoyés quelque part autre, qui les a séparés de ses autres frères parce qu'il avait une autre mission. Mais il a fait ça parce qu'ils étaient un avec leurs frères et sœurs et pas parce qu'ils avaient des disputes. L'Éternel ne travaille jamais comme ça. Il ne va pas te séparer pour te donner une autre mission parce que tu n'es pas en accord avec les autres frères et sœurs. Quand tu appartiens à lui, c'est là qu'il t'envoie quelque part autre. The Holy Spirit can tell you to leave a living church. Der Heilige Geist kann dir sagen, dass du eine lebendige Gemeinde verlassen sollst. Le Saint-Esprit peut te dire que tu dois quitter une église vivante. If you are against him. Wenn du gegen ihn bist. Quand, si tu es contre lui. Not to save you, but to destroy you. Nicht um dich zu retten, sondern um dich zu zerstören. Mais pas pour te sauver, mais pour te détruire. Praise the Lord. My prayer is that it's not the Holy Spirit that said you should leave. Deswegen ist mein Gebet, dass eben nicht der Heilige Geist war, der dir gesagt hat, dass du die Gemeinde verlassen musst. Aber wenn er es dir gesagt hat, dann ist es gefährlich für dich. Ma prière est que ça ne soit pas le cas, que le Saint-Esprit ne te le dise pas, parce que si c'est le cas, c'est vraiment très dangereux pour toi. Amen. He can tell you to leave if you are against him. And there is warning upon warning of repentance, but you refuse to repent. He hates on repentance. Denn er hasst ein unbußfertiges Herz. Oui, il peut te dire de partir si toi tu es contre lui, parce que lui, il déteste un cœur qui ne se repent jamais. It was not an evil spirit. that threw Satan out of heaven. Denn es war kein böser Geist, der den Satan aus dem Himmel verbannt hat. Es war der Heilige Geist. C'était pas un esprit mauvais qui a chassé Satan, le diable, du royaume des cieux. C'était le Saint-Esprit lui-même. For the Holy Spirit to tell you to live here, as you said, or as your wife said. Have you fall? Is your fall so deep? The fall that you are, it means it's so deep. The fall. Dass der Heilige Geist dir anscheinend wirklich gesagt hat, dass du die Gemeinde verlassen hast, ne? Und dass deine Frau, dass du deiner Frau das gesagt hast, ihr das gesagt hat, dass der Heilige Geist dir wohl gesagt hat, dass du die Gemeinde verlassen sollst, ist dein Fall so tief, ne? so schlimm und so zerstörerisch, dass du das wirklich vom Heiligen Geist gehört hast. Si, c'est vraiment le cas, comme ta femme t'a dit que le Saint-Esprit t'a dit de quitter l'église. Ça signifie que ta chute est si... Oui, elle est si profonde. C'est vraiment très dangereux. Donc, dans ton cœur, c'est si endurci que le Saint-Esprit même est en train de te chasser personnellement. In Matthew 7, Jesus talk about the workers of iniquity. In Matthäus 7 spricht Jesus über die... Werke der Ungerechtigkeit. Arbeiter der Ungerechtigkeit. Dans Matthieu, Jésus-Christ dit que vous êtes des travailleurs de l'injustice. You know, the Holy Spirit again separated. He said, "Separate me, Paul and Barnabas. It was for victory, and not for destruction." Jesus gesagt hat, dass Paulus und Barnabas ausgesondert werden, war es für den Sieg, zur Verherrlichung von Gott. Now the church, they all knew it. They know it. That is the Holy Spirit that separated them to do that. Und alle in der Gemeinde wussten auch, dass sie ausgesondert worden sind für das Werk von Christus und nicht, weil sie im Unglauben oder Ungehorsam gewandelt sind. Dieu a séparé Paul et Barnabas parce que eux étaient dans l'obéissance de l'Éternel, pas parce qu'ils étaient dans la désobéissance. The Holy Spirit cares about his house so much. Der Heilige Geist ist sein Haus so wichtig. Le Saint-Esprit prend vraiment soin de sa maison. Sa maison lui est vraiment très importante. He calls his ministry his eyeball. Er nennt seine Gemeinde seinen Augapfel. Il a appelé sa église la pomme de son œil. He will never allow anyone to dig his hands into his own eye. Meaning to destroy his house. Er wird nicht zulassen, dass irgendjemand ihm ins Auge fasst. Das heißt, er wird nicht zulassen, dass das Böse in seinem Haus wächst und gedeiht. Il va jamais autoriser quelque chose de mal se passer dans sa maison. Il va jamais autoriser à quelqu'un de toucher à sa pomme de l'œil. Praise the Lord. Amen. Our prayer, yeah, you always know our prayer. That whoever the Lord does not want to be here, he should take them out. Where are we praying? And the Holy Spirit is telling you, get out, because he does not want you to be here. Because you are against him. Yeah. Und wir beten immer wieder darum, dass wer auch immer nicht von hier, von Christus ist, soll hier verschwinden, soll hier keinen Platz finden, soll hier keine Ruhe finden. Und ja, deswegen, wenn dann jemand halt diese Botschaft bekommt, dass er verschwinden soll, dann ist das, weil der Herr auch diese Person nicht mehr mitten unter uns haben möchte. Donc le Saint-Esprit dit toujours, notre prière ici, c'est toute personne qui n'est pas destinée à être ici, on ne les veut pas, on veut pas vraiment, on veut pas, qui n'appartient pas à l'Éternel, ne soit pas ici. Donc ça signifie que si l'Éternel te dit à toi de sortir cette église, ça signifie que tu es une personne qui est mauvaise, qui est entrée, qui est dangereuse pour sa maison. We don't know what the Holy Spirit is going to do with you, but we know what he did with Ananias and Sapphira. He took them out. Wir wissen nicht, was der Heilige Geist mit euch machen wird, aber they were evil there. Aber wir wissen, was der Heilige Geist mit Ananias und Sapphira getan hat. Nous on sait pas ce que l'Éternel a pour toi, mais on sait ce qu'il a fait, qu'il va faire avec toi, mais on sait ce qu'il a fait avec Ananias et Sapphira. It was not Satan that took them away, the Holy Spirit. Satan was behind it, their decision. Rausgenommen hat. Amen. Just like Satan has been behind all your decision. Amen. But the Holy Spirit loves his house so much. Amen. If you go to Mark, John 15. Aber der Heilige Geist liebt sein Haus und er wird dort für Ordnung und Sauberkeit sorgen. C'était pas le Saint-Esprit qui les a enlevés de l'église, Ananias et Saphir. C'était, mais c'était pas le diable qui les a enlevés, c'était le Saint-Esprit lui-même parce que lui, il protège sa maison. Amen. It is true, it is not. Jean 15. It is true that it is not about a church. Because of religious churches everywhere today. But here is not that. It's not the attack. Here is Christ. And that is why it must be about here. I don't know if you get it. If it is a religious church, then you can say it's not about church. Diese Gemeinde eine religiöse Gemeinde wäre, dann könntest du diese Gemeinde auch verlassen, unabhängig davon, Christus Jesus zu verlassen, weil es eine religiöse Gemeinde ist, wo Jesus Christus nicht der Kopf und nicht der das Ende und nicht Jesus Christus diese Gemeinde ist. I left the church and not Christ. Ne, da kann man auch so welche Aussagen tätigen wie, ich habe die Gemeinde verlassen, eine bestimmte Gemeinde verlassen, aber nicht Jesus Christus verlassen, nicht die Gemeinde Gottes verlassen, aber bei einer lebendigen Gemeinde hört man sich da ganz klar. Et si par exemple toi tu dis oui j'ai laissé l'église et pas le Christ, oui dans une église religieuse tu peux dire une bêtise comme ça, mais dans une église vivante tu peux pas dire que oui j'ai laissé l'église mais j'ai pas laissé le Christ, parce que quand tu laisses une église vivante tu laisses aussi le Christ. You know he said I want to destroy them. You know he will just blind them. And they will not see a living church like a religious church. Then he's so that he's able to take them away. Then they will not say, I'm leaving the church and not Christ. Und die Sache ist ja auch, der Satan ist ja da gerissen. Er manipuliert und verblendet die Leute so sehr, bis diese Leute dann auch dann glauben, dass eine lebendige Gemeinde eine religiöse Gemeinde ist und sie dann auch aufgrund dieser Religiosität dann halt auch die Gemeinde halt verlassen und meinen, dass sie die Gemeinde von Christus trennen können, weil bei einer religiösen Gemeinde das der Fall ist. Donc le diable est vraiment capable de aveugler les gens jusqu'à ce qu'il va commencer même à t'aveugler, à te faire croire que ici c'est une église religieuse ou bien c'est comme ça marche comme dans une église religieuse, jusqu'à ce que tu puisses avoir ce courage même de laisser cette église et dire des histoires pareilles. Fighting here is dangerous. Diesen Ort hier zu bekämpfen ist gefährlich. Le fait de combattre cette église ici, c'est vraiment très dangereux. Fighting a religious church is not dangerous, but a living church is dangerous. Eine religiöse Fighting a living church directly or indirectly. Eine lebendige Gemeinde zu bekämpfen, direkt oder indirekt, ist tödlich. Donc, de combattre une église vivante, directement ou bien indirectement, c'est vraiment, oui, c'est vraiment un grand péché. Here is different from where you have been. And where you are even going to go? Yes, different. Denn dieser Ort ist anders als der Ort, an dem du von dem du kommst und zu dem du jetzt hingehen willst. Parce que cette église, cette place ici, c'est la place où tu veux même y aller ou bien continuer à partir dans le Christ. You know, you're fighting this ministry might not be direct, like Ananias and Sapphira. It was not direct fight, but they were fighting the ministry. Sie haben nicht direkt gekämpft, aber es war sie haben die Gemeinde bekämpft. Ananias et Saphir, par exemple, ils n'ont pas combattu l'Église directement, mais ils l'ont fait spirituellement, indirectement. Amen. It is true the Holy Spirit can tell you to live here because you are against Christ. Es stimmt, der Heilige Geist kann dir sagen, du sollst die lebendige Gemeinde verlassen, weil du gegen Christus bist. Oui, c'est vrai, le Saint-Esprit peut te dire que tu dois laisser cette église parce que tu es contre le Saint-Esprit. Again, example, Ananias and Sapphira. We don't have time to go there. Amen. We go to John, please. John 15. Johannes 15. I'm just cutting it short. Amen. So that we close. One and two. Johannes 15, 1 and 2. Jean 15, 1 et 2. Look at it. I am the true vine, and my father is the husbandman. Every branch in me that beareth no fruit, he taketh away. He take you away. If he see that you are not bearing fruit, you become a problem in his house. Mm. He will take you away. Wenn er sieht, dass du keine Frucht, are you getting? Do you see it? Verse 2. Dann wird er dich rausnehmen. On voit ici à Jean 15, il dit que si tu ne portes pas de fruits, tu ne fais pas sortir de fruits, il va t'enlever, t'écarter de l'arbre. Are you getting it? And every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. The Holy Spirit take away if you refuse to repent. They want to see your fruit. The fruit of repentance. The fruit of believing the word of Christ and acting on it. You want to see it. Der Heilige Geist will die Frucht sehen von Buße, dass du Gott zu Buße tust und das Wort Gottes glaubst und danach handelst. Et le Saint-Esprit veut vraiment que tu puisses te repentir, que tu puisses avoir un cœur si doux pour être capable à se repentir. Amen. It's all true. What he called truth and not what religion called truth. It's all fruit, not what religion called fruit. It's all kind of fruit. Die Wahrheit von Christus und die Frucht von Christus. Donc la vérité du Christ et les fruits du Christ. The Holy Spirit can do things through you, speak through you. Remember, I said, you workers of iniquity. You remember that. I do this in your name. He will even answer it when you even hear somebody in his name. But at the end, he said, you are the workers of iniquity. Yeah. Und die Menschen haben in seinem Namen Werke getan, ne? Geheilt, ne? Wunder getan. Aber dennoch sagt er, ihr Übeltäter, ne? Ihr Gesetzlosen, ich kenne euch nicht, weicht von mir. Et l'Éternel a dit aussi que vous êtes des malfaiteurs. Il va te dire que même si tu as fait des miracles en son nom, il va te dire qu'il t'a pas connu, il te connaît pas. He can do things through you. He can even speak to you. Amen. But that does not mean it's for you and not against you. Er kann dich nutzen, er kann durch dich sprechen, durch dich wirken, das heißt nicht, dass du zu ihm gehörst. Donc ça signifie qu'il peut travailler à travers toi, mais ça signifie pas que tu lui appartiens. He did this through Ananias and Sapphira. It was not because it was for them, it was against them. Er hat Dinge getan für Ananias und Sapphira, nicht weil er für sie war, sondern gegen sie. Il a dit qu'il a aussi travaillé à travers Ananias et Sapphira, parce qu'il était pour eux et pas contre eux. We are not going to tell anyone to leave here. Contre eux. Wir werden niemandem sagen, dass er diese Gemeinde verlassen soll. On va jamais dire à quelqu'un de partir, on va jamais chasser quelqu'un de cette église. We will not force you to go. Wir werden dich auch nicht zwingen zu gehen. On va même pas aussi te forcer de partir. Because Jesus never, he did not do that. Weil Jesus hat das nicht getan. Throughout all his ministry, all the people that left him without him telling them to go. Alle Leute, die gegangen sind, sie sind gegangen, ohne dass er sie verscheuchen musste oder dass er ihnen gesagt hat, verschwindet. Sie sind selbst freiwillig gegangen. Jésus-Christ, lui par exemple, tous les gens qui l'ont laissé, qui lui a abandonné, c'est pas lui qui les a ordonné de partir, donc c'est eux-mêmes qui ont toujours pris la décision de rester ou bien de partir. Even Judas, he knew that Judas was going to betray him. He still ate with him. He did not say you must go. Amen. You just left them. You choose her. You choose where you belong. It's your business. Auch mit Judas hat immer noch mit ihm am Tisch gegessen. We go to John 16. Weil die Leute haben selber sich für die Hölle entschieden, für den Satan entschieden. Sie folgen ihrer Entscheidung. Et tout comme avec Judas, par exemple, Jésus-Christ savait qu'il était un traître, mais il n'a pas chassé Judas, il a toujours continué à manger avec lui. Praise the Lord. Johannes 6, amen. Amen. Jean 6. Amen. But we can only trust you if you choose Christ. Wir können dir nur vertrauen, we wenn cannot Christus trust who never chooses Christ. Wir können niemand vertrauen. Weil Christus muss man sich verdienen. On doit vraiment, mais tu dois comprendre que ça sera pas facile. On va plus te faire confiance parce que une confiance, c'est pas, ça vient pas comme ça. Tu dois te earn. Amen. Verdienen. Trust and love are two different things. Vertrauen, tu dois le mériter, pardon. Und Liebe sind zwei verschiedene Dinge. Donc confiance et l'amour, c'est différent. Une confiance, tu le mérites. We love you no matter how you are, in spite of who you are. Wie du bist und wer du bist. Nous, on t'aime, peu importe qui tu es, qu'est-ce que trust, tu fais. Vertrauen, musst du dir verdienen. Mais une confiance, tu dois vraiment te le mériter. Jesus and our trust. Jesus ist unser Vertrauen verdient. Jésus-Christ, même Jésus-Christ, il a dû faire mériter notre confiance. He said he loved us and he came here to act on it. Er hat gesagt, dass er hat nach dieser Liebe auch gehandelt. Il a dit qu'il nous aime et il est venu agir ainsi. Tu peux voir comment il nous aime. Because I believe without, I love you without action, it's a dead faith. Denn zu lieben ohne danach zu handeln ist ein toter Glaube. Parce que aimer sans action c'est une foi morte. We know you by your fruit. Wir erkennen dich durch deine Frucht. Nous on te reconnaît à travers tes fruits. Jesus said you shall know them by their fruit. Jesus sagt durch ihre Frucht wird man sie erkennen. Jésus-Christ dit qu'à travers les fruits on doit les connaître. Johannes 6, 37 bis 39. Jean 6, 37 à 39. It's all that the Father giveth me shall come to me, and him that cometh to me I will in no wise cast out. You see that? Amen. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Amen. Jean 6, 37, il dit que tout ce que le Père me donne, je vais les garder avec moi. Tout ce que le Père me donne viendra à moi et je ne pousserai pas celui qui vient à moi. Amen. And this is the Father's will, which has sent me, that of all which he hath given me, I should lose nothing, but should raise it up again at the last day. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Whoever the Lord wants to be here, you know our prayer. Should be here with us. And those he doesn't want, he should take them out by himself. Wer immer hier sein soll, soll hier sein. Nur von Christus. Und wer nicht von Christus hier sein soll, soll verschwinden. Donc, er soll sich selbst rausnehmen. Donc notre prière, ça va continuer à être que tout le monde que l'Éternel veut qu'il soit ici, se rend ici. Et tout le monde que l'Éternel ne veut pas qu'il puisse être ici, se rend jamais ici. Amen. Que lui-même, il les chasse. Also remember the parables of the tithes. Auch die Gleichnisse. You remember that parable? Über die Talente. Même avec le parabole avec les talents. A good man sow good seed, but Satan now come and sow evil seed. He said, let them grow together. He did not say take them out immediately. He said, let them grow. As the going get tough, just somebody will run. Ja, oder auch als ein Gleichnis, wo ein Romans 14, Böser. Romans 14. Unkraut gesät hat unter der Ernte und dann der Farmer oder Bauer gefragt hat, was soll man da halt jetzt machen mit diesem Unkraut, was dazwischen wächst, zwischen der guten Saat. Dann hat er gesagt, ist kein Problem, lass zu, dass alles zusammenwächst. Am Ende wird abgerechnet. Ne? Ja. Et tout comme avec dans cette parabole, on a vu qu'il y a d'abord des bonnes graines qu'on a sémées, et il y a quelqu'un, le diable est venu, il a sémé aussi des mauvaises graines. L'Éternel n'a pas dit de trier les mauvaises et de les jeter, il a dit non, laissez-les grandir ensemble, et ceux qui auront du mal, qui ne seront plus poussés, ils vont partir. Verse 17 of Romans 14. Romains 14, verset 17. He said, for the kingdom of God is not meat or drink. And meat and drink is not just eating. Amen. It's very hot. But righteousness, that is choosing Christ. And peace. And joy in the Holy Ghost. Amen. Praise the Lord. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire qui est important, mais une vie juste, la paix et la joie que produit l'Esprit Saint. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. It is true, salvation is personal. Das stimmt, Errettung ist persönlich. Oui, c'est vrai que le salut est individuel. If you see Lot and the wife, you will know that salvation is personal. Wenn du Lot und die Frau anschaust, wirst du sehen, dass Errettung etwas Persönliches ist. Si tu vois Lot et sa femme, tu vas voir que le salut est vraiment individuel. The Bible says you choose. Die Bibel sagt, du entscheidest. La Bible dit que c'est toi qui choisis. Did not say your wife should choose for you. Er hat nicht gesagt, dass deine Frau für dich entscheidet oder dass dein Ehemann für dich entscheidet, sondern du sollst entscheiden. Il n'a pas dit que c'est ta femme qui choisit pour toi ou bien ton mari. Il a dit que toi tu choisis. If you allow your wife to deceive you and destroy you and send you to hell, it's your business. Because the Bible says you choose. Wenn du zulässt, dass deine Frau dich mitten in die Hölle zieht, mit ins Verderben zieht, dann bist du selber schuld, weil du wählst Leben und Tod. Si toi tu laisses que ta femme puisse te confondre et que tu puisses partir en enfer, c'est ta propre faute, même pas la sienne, c'est ta propre faute parce que c'est toi qui choisis. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. You know, Lot's wife. Lot's Frau beispielsweise. La femme de Lot, you can see what happened there. Et c'est ce qui passiert ist. Tu peux voir ce qui s'est passé là. No, Lot did not join the wife. Lot hat seine Frau nicht unterstützt. Er hat seine persönliche Rettung in die Hand genommen. Lot, par exemple, n'a pas accompagné sa femme parce que le salut est individuel. If you refuse to correct your husband and keep on saying salvation is personal, as long as you live together, you are going to face the music. Aber wenn du deinen Ehepartner, wenn du dich weigerst, deinen Ehepartner zu belehren, zu ermahnen, auf der Basis von Errettung ist persönlich, dann hast du genauso Blut an den Händen, wenn dann was passiert. Du bist dann genauso schuldig. Si par exemple tu continues à dire que le salut est individuel et tu ne corriges pas ton homme, ton mari, et tu acceptes ce qu'il a dit, tu auras aussi le même problème que lui en fait à la fin. How can you continue? Wie kannst du dann weitermachen? Comment est-ce que tu veux continuer? Amen. Amen. You know you were once one. In Christ Jesus. The husband and the wife. Als Ehemann, als Ehefrau wart ihr einst eins in Christus. Comme Marie et femme, vous étiez un en Christ. And now the husband chose another side. Aber jetzt entscheidet sich der Ehemann für eine andere Seite. Et maintenant le ton mari décide. And you want to continue with Christ. weitermachen mit Christus. Et toi tu veux continuer avec le Christ. You are going to face the music. The music of persecution. Du wirst Verfolgung erleiden. Tu vas avoir la persécution. Except you never choose Christ. Except you are just like that, you pretend. Du hast dich niemals für Christus entschieden. Du tust einfach nur so, als ob du immer noch zum Licht gehörst, aber eigentlich gehörst du zur Finsternis. Deswegen gibt es dann auch keine Verfolgung. Et c'est ou bien seulement si toi tu es en train de prétendre, là tu vas pas aussi avoir des persécutions, mais si tu ne prétends pas, tu n'auras pas de persécutions. The Lord said to me, said accordingly, just like after the rapture, he said for somebody to be saved after the rapture, it's almost impossible. So also, when you were together, you did not value it in Christ, and now you want to continue to choose Christ. It's going to be after the rapture. Because the back, you know, Satan will so much do his job. Except you both repent. Und der Herr sagt, dass genau wie hart und schwierig es ist, dem Herrn immer noch zu folgen und errettet zu bleiben oder zu sein, errettet zu werden und zu bleiben nach der Entrückung, genauso schwer ist es auch immer noch errettet, zu werden, zu bleiben in dieser Verfolgung, die man erleidet, wenn der Ehepartner beispielsweise sich gegen die Wahrheit entschieden hat, gegen Christus Jesus entschieden hat und du mit diesem Menschen zusammenlebst. Donc ça signifie que ça sera très difficile parce que c'est que tu es en train de c'est que ton partenaire est en train de perdre, ça va aussi, tu auras aussi le même sort que la personne parce que vous êtes toujours un. Es sei denn, beide tun Buße. Sauf si vous deux vous êtes en train de faire vous êtes en train de vous repentir, mais si tu es en train de prétendre, tu vas tomber comme ton partenaire. Amen. That somebody is the reason why you are not where the Lord wants you to be. That's not an excuse. Lord says, see me, I must see somebody. Amen. Jemand darf niemals der Grund sein, weshalb du, ein Mensch darf niemals der Grund sein, weshalb du nicht da bist, wo der Herr dich haben will. Der Herr sagt, schau auf mich und auf niemand anderes. Une personne ne doit jamais être la faute, ne doit jamais être la raison laquelle tu n'es pas où l'Éternel veut que tu puisses être, parce que l'Éternel dit que tu dois regarder seulement vers lui, choisir. Et il t'a aussi donné la capacité de le faire. I just pray that it is not the Holy Spirit that says you should leave. If it is Satan, it is more easier for you. Amen. Ich hoffe, dass es nicht der Heilige Geist war, der gesagt hat, dass du die Gemeinde verlassen sollst. Weil wenn es der Satan war, der es gesagt hat, dann ist es sogar einfacher für dich, zurückzukommen. Wenn es der Heilige Geist gesagt hat, dann sieht es wirklich düster aus. Moi, je n'espère pas que c'est le Saint-Esprit. It's dead. Because I can see Ananias and Sapphira then. Moi, j'espère vraiment que c'est pas le Saint-Esprit qui t'a dit de repartir de l'église, de laisser l'église. Parce que si c'est le diable, c'est même mieux pour toi. Mais si c'est l'Éternel, là, je vois que tu auras une sœur comme Ananias et Saphir, et ça, c'est dangereux. Amen. They were both destroyed and not saved. Ja, und das ist halt zur Zerstörung, weil ich in dieser Situation sehr ganz klar das Beispiel von Ananias und Saphira sehe, die danach nicht errettet wurden, sondern getötet wurden. Parce que là, je vois l'exemple d'Ananias et Saphir qui, à la fin, ils étaient vraiment tués et qu'ils étaient pour leur destruction. They opened the door for Satan. Sie haben den Satan die Tür geöffnet. Parce qu'ils ont ouvert la porte au diable. They started a separation from the church. Sie haben angefangen mit der Trennung von der Gemeinde. Ils ont commencé avec la séparation de l'église. And now when the church now said, okay, we accept your request. We are separated from you. Then you are offended. Mm. And you are saying the Holy Spirit said to you. Ja. Von eurer Seite kam die Trennung. Your prayer has been answered. Kam die Absonderung, ne? Die Distanz. Ne? Und wir haben dann gesagt, okay, wir akzeptieren diese Distanz. Und daraufhin fällen wir natürlich auch das Urteil, dass wir nicht eins sein können mit Christus Jesus, wenn ihr diese Distanz pflegt. Aber daraufhin hat man Anstoß genommen. Und, Donc vous vous disiez que vous séparez, vous avez besoin d'une distance et l'Église accepte votre distance et maintenant vous avez un problème avec ça et vous êtes en train de vous laisser l'Éternel, vous écarter de l'Éternel. Praise the Lord. You are now offended because we accept your desire, your heart desire. You have wanted to, so all the time you want to separate. But we now say, okay, we not agree. We allow it. We just, no. And now you are offended because the church, which is Christ, said, you are not one with us. Aber jetzt nimmt man Anstoß anymore. Daran, weil man jetzt diese Trennung cannot trust you. Akzeptiert hat und die auch jetzt geäußert hat und wir euch daraufhin ja auch dann nicht mehr vertrauen können und nicht eins in Christus sein können, aber daraufhin nimmt man dann halt Anstoß. Mm. Par exemple, vous voulez toujours votre séparation et maintenant que l'Église l'accepte et vous accorde cette séparation, maintenant vous êtes offensé et oui, vous partez de l'Église. Instead of you to repent, you are offended. Statt Buße zu tun, nimmt man Anstoß. Au lieu de te repentir, toi tu as tu es offensé. Why did your Holy Spirit not tell you before now to go? Wieso hat dir dein Heiliger Geist nicht gesagt, dass du vorher gehen sollst? Wieso erst jetzt? Why now? Pourquoi l'Éternel ne t'a pas dit avant de partir? Pourquoi maintenant? C'est parce que Anstoß genommen hat. Parce que c'est parce que tu es offensé. When Christ now said, yes, we give you what you have been hungry of. Wenn Christus gesagt hat, dass man dir jetzt das gibt, was du nach du Hunger hast. Si le Christ te dit que on va te maintenant te donner ce que tu as, ce que tu voulais. Or was that not what you even want? Oder war das nicht das, was ihr wolltet? Mais c'est pas ce que tu voulais. Amen. Or were you ever, I don't know, were you ever one with us? We close with 1 John 2. Ou bien, est-ce que vous étiez un avec nous? 1 Johannes. On va lire 1 Jean. 1 Jean 2, verset 18 à 19. 1 Jean 2, 18 à 19. Little children, are we there, please? It is the last time, and as you have heard that Antichrist shall come, even now are there many antichrists, whereby we know that it is the last time. Verse 19. They went out from us, but they were not of us. Have you seen that? Mm. If they had been of us, they would no doubt have continued with us. Amen. But they went out that they might be made manifest that they were not all of us. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. I pray this should not belong to you. Ich bete dafür, dass das nicht euer Ende ist, nicht eure Geschichte ist. Moi, j'espère que ce qu'ils sont en train de dire ici à verset 18 et 19, que ce ne soit pas votre histoire. Praise the Lord. Hallelujah. I wanted to also talk the message today. I could not preach it because of this very message that the Lord brought. Amen. Die eigentliche Botschaft heute konnte ich nicht verkündigen wegen dem, was der Herr diesbezüglich gebracht hat. Le message de ce que oui, c'est que je voulais prêcher, j'ai même pas pu le prêcher. Which is the spirit that always fight the living church. Der Geist, this spirit, der immer lebendige Gemeinde begleitet, blind the people. Dieser Geist verblendet die Menschen. Et il s'agit de l'esprit qui est en train de combattre l'église. D'abord, cet esprit-là est en train d'aveugler les personnes. Amen. C'est dangereux. Amen. It blinds them towards almost everything of Christ, which is the truth completely. Cet esprit est toujours en train d'aveugler tout ce que le Saint-Esprit dit. Donc tout ce que le Saint-Esprit dit, ça devient d'abord un mensonge à leurs oreilles. Die Wahrheit von Christus wird zur Lüge. Once you allow this evil spirit to possess you, you will become religious. Wenn du zulässt, dass dieser böse Geist dich einnimmt, wirst du religiös und du bekämpfst die Gemeinde, die lebendige Gemeinde. Si tu laisses, que tu autorises à cet esprit de te combattre ou bien d'entrer à tout dans toi, tu vas combattre l'église, tu vas devenir religieux. And you will always see yourself as a victim. Du wirst dich immer wieder als Opfer sehen. Et tu vas toujours te voir toi-même comme un victime. Die Leute sind gegen mich. Tu vas toujours dire que les gens sont contre toi. Satan will now start persecuting the church through you. Der Satan wird dann die Gemeinde durch dich sogar verfolgen. Et l'église va commencer à persécuter. Le diable va commencer à persécuter l'église à travers toi. Paulus war einst so. Paul aussi était comme ça. Thank the Lord, he was delivered. Wir danken dem Herrn, dass er erlöst wurde. Mais on remercie l'Éternel parce qu'il a été délivré. The Lord can deliver Paul, can deliver you. Wenn der Herr Paulus erlösen kann, dann kann er auch dich erlösen. Si l'Éternel a été capable à délivrer Paul, il est aussi capable à te délivrer. All you need is just humble yourself. Alles, was wir brauchen, ist uns zu demütigen. Tout ce qu'on a besoin, c'est de se humilier. Und zurück zu unserer ersten Liebe zu kehren. Et de retourner à notre premier amour. Amen. Amen. So we'll stop here, please. Amen. Amen.